comportement le plus intelligent qu'on puisse adopter face à un usager vulnérable tel qu'un piéton, un cycliste ou un cyclomotoriste est de prendre en considération sa fragilité. La voiture offre une carapace puissante qui, même à faible allure, peut nuire aux autres. Aucun passage n'est matérialisé au sol, mais cette piétonne va traverser la rue. Je mets le clignotant droit, je ralentis et je m'arrête si besoin afin de passer après cette personne. Réponse